face de sa peau s'enchaîne sans accident. Sa douceur interpelle le sens tactile. Un essai délicat qu'il en devient absent. Étroitesse de narine, pas faite pour respirer. Ses paupières fendues sur des yeux d'un bleu. Presque transparent, son regard est fermé. Ses lèvres charnues figées en un sourire. Que perce en son milieu un petit trou charmant. D'une blondeur qu'accentue les spots. Les longues jambes galbées s'articulent autour. De ces têtes magnifiquement dessinées.